Deutéronome chapitre 12. Ce sont ici les statuts et les droits auxquels vous prendrez garde, pour les faire, lorsque vous serez au pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères vous a donné pour le posséder, pendant tout le temps que vous vivrez sur cette terre. Vous détruirez entièrement tous les lieux où ces nations, desquelles vous posséderez le pays, auront servi leur Dieu, sur les hautes montagnes, et sur les coteaux, et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez aussi leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs bocages, vous mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez où il habitera, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu aura choisi d'entre toutes vos tribus, pour y mettre son nom. Et vous apporterez là vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, et l'oblation élevée de vos mains, vos vœux, vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et vous mangerez là devant l'Éternel votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, et dans lesquelles l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui, chacun selon que bon lui semble. Car vous n'êtes point encore parvenu au repos, et à l'héritage que l'Éternel votre Dieu te donne. Vous passerez donc le Jourdain, et vous habiterez au pays que l'Éternel, votre Dieu vous fera posséder en héritage, et il vous donnera du repos de tous vos ennemis qui sont à l'environ, et vous y habiterez sûrement. Et il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu choisira pour y faire habiter son nom, vous apporterez là tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, l'oblation élevée de vos mains, et tout ce qu'il y aura de plus exquis dans ce que vous aurez voué à l'Éternel. Et vous vous réjouirez en la présence de l'Éternel votre Dieu, vous et vos fils, et vos filles, vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos portes, car il n'a point de portion ni d'héritage avec vous. Prends garde à toi, pour ne pas sacrifier tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l'Éternel, choisira en l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. Toutefois tu pourras tuer des bêtes, et manger de leur chair selon tous les désirs de ton âme, dans quelque ville que tu demeures, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu, laquelle il t'aura donnée, celui qui sera souillé et celui qui sera net, en mangeront, comme on mange du daim et du cerf. Seulement vous ne mangerez point de sang, mais vous le répandrez sur la terre, comme de l'eau. Tu ne mangeras point dans aucune ville de ta demeure les dîmes de ton froment, ni de ton vin, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et menu bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes offrandes volontaires, ni l'oblation élevée de tes mains, mais tu les mangeras devant la face de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, et ta servante. Et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu de sa quoi tu auras mis la main. Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre, d'abandonner le Lévite. Quand l'Éternel ton Dieu aura étendu tes limites, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je mangerai de la chair, parce que ton âme aura souhaité de manger de la chair, tu en mangeras selon tous les désirs de ton âme. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom, est loin de toi, alors tu tueras de ton gros et menu bétail, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, comme je te l'ai commandé, et tu en mangeras en quelque ville que tu demeures, selon tous les désirs de ton âme. Même tu en mangeras comme l'on mange du daim et du cerf. Celui qui sera souillé, et celui qui sera net en pourront manger. Seulement garde-toi de manger du sang, car le sang est l'âme, et tu ne mangeras point l'âme avec la chair. Tu n'en mangeras donc point, mais tu le répandras sur la terre, comme de l'eau. Tu n'en mangeras point, afin que tu prospères, toi et tes enfants après toi, quand tu auras fait ce que l'Éternel approuve et trouve droit. Mais tu prendras les choses que tu auras consacrées, qui seront par-devers toi, et ce que tu auras voué, et tu viendras au lieu que l'Éternel aura choisi. Et tu offriras tes holocaustes, leur chair et leur sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, mais le sang de tes autres sacrifices sera répandu vers l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu en mangeras la chair. Garde, et écoute toutes ces paroles-ci que je te commande, afin que tu prospères, toi et tes enfants après toi à jamais, quand tu auras fait ce que l'Éternel ton Dieu approuve, et qu'il trouve bon et droit. Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé de devant toi les nations, au pays desquelles tu vas pour le posséder, et que tu l'auras possédé, et seras habitant de leur pays, prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège après elles, quand elles auront été détruites de devant toi, et que tu ne recherches leur Dieu, en disant, « Comme ces nations-là servaient leur Dieu, je le ferai aussi tout de même. » Tu ne feras point ainsi à l'Éternel ton Dieu, car ces nations ont fait à leur Dieu, tout ce qui est en abomination à l'Éternel, et qu'il est, car même ils ont brûlé au feu, leurs fils et leurs filles à leur Dieu. Vous prendrez garde de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien, et tu n'en diminueras rien.